Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 235e des émissions. Ouais, le public est en feu. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et j'ai quatre candidats prêts à en découdre autour de moi. On va commencer par celui qui... Vous n'avez pas la chance, chers auditrices et auditeurs, de voir ça, mais il a un magnifique t-shirt Corona. Je suis sponsor. C'est sponsor Corona? Oui. Faut le déclarer du coup? Ou faut mettre un petit truc. Une communication comme ça? C'est ça. Mais visuel, sur le podcast. Qui ne sert à rien. C'est ça. C'est Charlie. Bonjour. Ça va? Pardon? T'avais pas fait d'intro? Non. Je savais pas qui était là, donc du coup, l'impro. Tu vois, un exemple d'impro après? Il s'appelle Coca-Cola. Prenez la première syllabe de chaque, ça fait Coco. Tu vois, voilà, c'est. C'est mieux quand c'est écrit quand même. Ça va, Coco? Oui. Heureux d'être là? Oui. Maître Coco, toujours d'ailleurs, sur son arbre perché. Ça a changé maintenant, je suis le bonobo des Cévennes. Pourquoi? Bonne question. Ben, c'est que pendant. Là, on est pendant. Enfin, on est hors période scolaire, donc du coup, il change de nom de scène. Je suis en vacances, c'est ça. Ben, normal, oui, c'est une de tes 42 semaines de vacances par an. Exactement. Et en parlant de bonobo des Cévennes, à côté de toi, on a une autre espèce animale. On a le condor du Haut-Jura, le retour de Gaspard. Ouais. Alors, moi, je tiens à dire que je suis sponsorisé Adidas. Je sais pas, faut le mettre. C'est un peu au-dessus, excuse-moi, mais. Et quelle sera la sponsor de notre dernier candidat? C'est la grande question. On va lui demander tout de suite. C'est Thibaut. Salut, salut. Alors Thibaut, qui te sponsorise? Bah Doliprane, parce que j'ai un mal de caboche. T'en as pris un au moins? Non, mais... demande une palette. Alors, juste un conseil, si tu prends un Doliprane, faut pas le boire avec une bière. Ça annule les effets. Le cadeau. Ah oui, c'est vrai. La Switch? Il a toujours pas offert de Switch. Il a toujours pas fait de... Pour de là, hop là, une autobiographie. C'est un guide. Je sais pas si vous avez prévu vos vacances pour cet été, mais c'est un guide que je vous offre. Le guide Michelin de la Bretagne Sud. Waouh. Oh. Eh oui, Rennes, Vannes, Quimper, Nantes, nos escapades sur la côte. Donc, 500. Nantes est en Bretagne Sud? D'après Michelin. Je ne. Tu es contre rédiger Michelin? Oui. Ah. J'ai pas peur de le dire quand il faut. Vous pourrez par exemple aller à. Ouh, c'est imprononçable comme nom ça. C'est la Bretagne. Par exemple, aller à. Nantes. Oui, c'est sûr. Non. Donc, à Redon, 9555 Redonnet, en Ille-et-Vilaine, où vous pourrez notamment aller à l'église Saint-Sauveur, une ancienne. Abbatiale, fondée en 832, qui fut un grand centre de pèlerinage jusqu'au 17e S. C'est abbaye le mot. 17e S. Siècle. On ne sait pas. On va voir. On aura toute la démission pour savoir ce que c'est ce S. Alors le J, c'est le S. Oui, donc le S, c'est quoi? C'est le J. C'est le J. Donc 17e J. Voilà. C'est le 17e Joule que vous pouvez visiter à Redon. Et en tout cas, ce magnifique guide Michelin Bretagne Sud a gagné. Mais pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut passer les 6 manches. 6? C'est ici. Eh oui. C'est nouveau ça. Ici, il y en a certains qui ne connaissent pas la nouvelle manche qui s'appelle le tout début, que je vous expliquerai une fois qu'on y arrive. Après, on a le début, puis la suite au terme de laquelle il y a un éliminé, la personne qui a le moins de points. Ensuite, le milieu, puis la presque fin au terme de laquelle il y a un éliminé. Et on arrive à la fin, à la finale entre les deux qui restent. Et un éliminé. Il est temps de passer au tout début. Le tout début, c'est une phrase à trous qu'il faut compléter. Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez bien entendu que j'arrive au trou, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, vous ne donnez pas la réponse tout de suite. Vous marquez un point si vous répondez bien, il y a 5 points distribués puisqu'il y a 5 réponses à trouver. Et surtout, vous ne pouvez donner une réponse qu'une fois par trou. C'est-à-dire que si vous êtes trompé, vous ne pouvez pas proposer une autre réponse sur ce trou en particulier. Ok? Ok. C'est presque le trou début, puisque le tout début tellement il y a trop. Pas de la grivoise, je vois dans vos yeux que ça, il y a envie, hein, mais bravo, c'est bien. La voiture balai est un véhicule apparu dans les courses. Charlie. Cycliste. Cycliste, un point pour Charlie. C'est facile en fait, je n'entendais pas que c'était aussi facile. Bon, je vais essayer, hein, je découvre. Et dont le but est de récupérer les coureurs qui souhaitaient. Gaspard. Gaspard avant. Abandonné, c'est ce que je voulais dire, Thibaut. Je pensais que c'était la suite de la phrase, mais genre la fin, juste normal, qui est allé passer sur une autre phrase. Eh non, non, il y a des petits pièges comme ça, tu vois, hop là. Apparu. Non. Apparu pour la première fois en 1910 sur le. Charlie, Tour de France. Tour de France, bravo. Rapide ce con. Elle avait pour but initial de vérifier que les retardataires n'utilisaient pas d'autres moyens de transport que le vélo pour terminer l'étape. Jusqu'en 2005, des balais étaient même fixés sur ce véhicule, mais cela a été arrêté car cette décoration était jugée humiliante par les... Charlie. Charlie d'abord. Supporter. Non. Gaspard. Organisateur. Non, Gaspard. Supporter. Non. Spectateur, pardon. Coco. Coureur. Les coureurs, tout simplement, bravo. T'as dit la même que moi quand même. Mais j'étais con en fait, je voulais dire celle de Thibaut. Et du coup, t'as dit la mienne. Et oui, après, du coup, je dis, il faut que je trouve un truc et trois choses qui est venue. En 2008, la voiture balai a été intégrée à la caravane publicitaire et elle était équipée de tuyaux pour arroser le public. Cette voiture était alors sponsorisée par la marque d'eau en bouteille. Charlie. Cristalline. Non. Ah, Thibaut. Putain. Thibaut. Volvic. Non. Oh, j'aurais dit celle-là, pas de regret. Gaspard, Coco, il reste que vous deux. Coco. Evian. Ce n'est pas Evian, Gaspard. J'ai tout mon temps, là. Oui, enfin bon, attends, mais, t'as une petite demi-heure, quoi. Parce que, attends, on a dit Evian. On a dit Cristalline. On a dit. Mais moi, je connais pas les. J'en bois tellement jamais de en bouteille. Bah, Gaspard. Fais comme les derniers coups, répète la réponse de Charlie. C'est pas une autre. Vittel J'ai peur qu'il y ait des jeux de merde. Ça fait donc 2 points pour Charlie et Gaspard, 1 point pour Coco, 0 pour Thibaut. Ça part bien. Il est temps de passer au début. Le début, c'est 3 questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole et vous n'avez pas le droit de répondre 2 fois de suite. Première question pour 5 points. Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro, a-t-il pris en grippe lors de l'élection présidentielle de 2018 ? Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro, a-t-il pris Charlie en grippe ? Charlie, Picsou. Non. Lors de l'élection présidentielle de 2018. Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro, a-t-il pris en grippe lors de l'élection présidentielle de 2018 pour 4 points au Brésil ? Le candidat reprochant à ce personnage de promouvoir l'homosexualité dans son pays qu'est le Brésil, via un livre sorti en 2001. Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro, a-t-il pris en grippe lors de l'élection présidentielle de 2018 ? Le candidat reprochant à ce personnage de promouvoir l'homosexualité dans son Brésil, via un livre sorti en 2001 pour 3 points. Livre dans lequel ce personnage de bande dessinée créé par un dessinateur suisse répond aux questions. On cherche un personnage de bande dessinée créé par un dessinateur suisse qui répond aux questions. Gaspard ? Oui. Le chat ? Non, ce n'est pas le chat. Il est belge. Je sais, mais je dis belge suisse. Tu crois que je me trompe dans mes questions ? Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro ? Vous connaissez tous la réponse. C'est pas un... Oui. Tintin. Non. C'est belge aussi. Je sais. Je sais. Quel personnage fictif, le président Jair Bolsonaro, a-t-il pris en grippe lors de l'élection présidentielle de 2018 ? Le candidat reprochant à ce personnage de promouvoir l'homosexualité dans son Brésil via un livre sorti en 2001. Livre dans lequel ce personnage de bande dessinée créé par un dessinateur suisse répond aux questions pour 2 points. Aux questions des 9-13 ans sur la sexualité. Gaspard. Titeuf. Titeuf, 2 points pour Gaspard. Titeuf, c'est suisse. Le guide du zizi sexuel a été pris en grippe par Jair Bolsonaro. Je savais même pas que ça existait au Brésil, moi. Ça. Eh bah, c'était français. Ouais. Ça a été vendu pas mal d'endroits du monde. Et il y a vraiment une vidéo de Jair Bolsonaro qui montre la fameuse page où on met un doigt dans un trou. Pour montrer, voilà quoi. Et il est vraiment en direct, là, quand le zizi va dans la ZZ. Ah. Et donc, ZZ, c'est sa petite sœur. Du coup, c'est le mot. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. C'est horrible. Ah bah, bravo, tu promets la pédophilie. Et donc, ça fait 2 points pour Gaspard. En tout, ça fait 4 pour Gaspard, 2 pour Charlie, 1 pour Coco, 0 pour Thibaut. Deuxième question pour 5 points. Quel historien et pédagogue français a travaillé pour améliorer le système éducatif en France ? En s'inspirant des exemples britanniques et américains. Quel historien et pédagogue français a travaillé pour améliorer le système éducatif en France en s'inspirant des exemples britanniques et américains ? Thibaut ? Oui. Ferry ? Non, ce n'est pas Ferry. Ça aurait pu. J'y ai pensé, mais... On ne parle pas de bateau. Quel historien et pédagogue français a travaillé pour... Oui. Bourdieu. Non, ce n'est pas Bourdieu. C'est pour 4 points. À la fin du 19e siècle... Cette personne étant décédée en 1937 au bord du lac Léman, alors qu'il est ruiné. Une personne qui... C'est à la Suisse un peu la thématique. Oui, c'est vrai. A travaillé pour améliorer le système éducatif français, il s'est inspiré des exemples britanniques et américains. C'était à la fin du 19e siècle, et cette personne est morte en 1937, et elle est surtout morte, ruinée, au bord du lac Léman, pour 3 points. Une situation bien lointaine de tout ce qu'il a fait pendant sa vie, comme arbitrer la première finale de championnat de France de rugby en 1892 et en dessinant le bouclier de Brennus remis au vainqueur de ce championnat. Charlie. Brennus ? Non. Olivier Brennus. Brennus, c'est le nom du mec qui fait le bouclier, qui l'a fait. Et il l'a dessiné. L'artisan, lui, il l'a dessiné. Quel historien et pédagogue français a travaillé pour améliorer le système éducatif en France ? En s'inspirant des exemples britanniques et américains à la fin du 19e siècle, cette personne étant décédée en 1937 au bord du lac Léman alors qu'il est ruiné. Une situation bien lointaine de tout ce qu'il a fait pendant sa vie, comme arbitrer la première finale de championnat de France de rugby en 1892, ou en dessinant le bouclier de Brennus remis au vainqueur de ce championnat. Pour deux points, le corps de cette personne est enterré au cimetière du Bois de Vaux en Suisse, près du siège de l'organisation qu'il a créée en 1894, alors que son cœur est enterré près d'un sanctuaire. Quel historien et pédagogue français a travaillé pour améliorer le système éducatif en France en s'inspirant des exemples britanniques et américains à la fin du 19e siècle ? Cette personne étant décédée en 1937 au bord du lac Léman, alors qu'il est ruiné. Une situation bien lointaine de tout ce qu'il a fait, pendant sa vie, comme arbitré la première finale du championnat de France. Charlie, Coubertin. Coubertin, deux points pour Charlie. Je l'avais. Il est enterré si, où il y a un lien avec les JO, parce que le truc qu'il a créé, c'est les JO, non, du coup. C'est le CIO. Le CIO, voilà. Le CIO, qui est à j'étais en train de chercher le nom du mec des JO. C'est ça, je me suis dit. J'étais là, mais je le connais en plus. C'est un historien, Coubertin. À la base, c'est un historien, oui. Et qui a arbitré, qui a fait arbitre de top 14. Il a 14. Été arbitre de la première finale du championnat de France de rugby. C'est Martin Mystère, c'est lui qui a dessiné le bouclier de Brennus. Et donc, son corps est enterré à Bois de Vaux en Suisse, mais son cœur est enterré dans un sanctuaire à Olympie. On a enlevé son cœur pour l'enterrer à Olympie, en référence à la compétition qu'il a rénovée dès 1896, les Jeux Olympiques. C'est Pierre de Coubertin, le baron de Coubertin. Deux points pour Charlie. Avant la dernière question du début, on a donc 4 points pour Charlie, 4 points pour Gaspard, 1 point pour Coco, 0 pour Thibaut. Troisième et dernière question. Il a mal à la caboche. Quel est le nouveau nom de la ville de Koromo au Japon ? Charlie. Oui. Shikuoka. Non. Quel est le nouveau nom de la ville de Koromo au Japon ? Pour 4 points. Changement de nom qui a lieu en 1959 pour cette ville qui a aujourd'hui plus de 400 000 habitants et qui était en déclin à cause de la baisse de la demande de soie, qui était le secteur principal de la ville. Demande de soie ? De soie. Pas de soi-même. Ouais, non, pas soi. Quel est le nouveau nom de la ville de Koromo au Japon ? Changement de nom qui a eu lieu en 1959 pour cette ville qui a aujourd'hui plus de 400 000 habitants et qui était en déclin à cause de la baisse de la demande de soie. Secteur principal de la ville. Pour 3 points. Je peux répondre ? Tu peux répondre, oui. Fukuoka. Non, j'ai dit quoi ? Shizuoka. Non, c'est celle que j'ai dit. C'est plus laquelle j'avais dit. Pour 3 points, avant qu'un industriel de ce secteur de la soie ait cherché des alternatives industrielles à son entreprise pour qu'elle se maintienne en vie. Coco. Oui. Toyota. 3 points pour Toto. Coco, Toto, Coco. La belle. Alors là, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Bah, c'est une petite ville. Et puis, t'as dit secteur industriel à la fin, puis ça m'a fait... Tu savais que du coup, il y a une ville qui s'appelle Toyota au Japon ? Non, mais je sais qu'au Japon, ils faisaient des trucs un peu dans ce style-là. Oui. Le modèle Toyota. Un groupe automobile, donc, qui a donné son nom à cette ville, qui est d'ailleurs jumelée avec Détroit aux États-Unis, autre ville connue pour l'industrie automobile. La ville de Koromo est devenue la ville de Toyota en 1959. 3 points pour Coco, ça fait donc à la fin du début 4-4-4 pour Charlie, Coco et Gaspard et 0 pour Thibaut. Mais t'inquiète pas Thibaut, tu peux encore te refaire, on va passer à la suite. La suite c'est 3 listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. 1 point par réponse trouvée, 3 réponses ont été choisies au hasard dans chaque liste. Une vaut 3 points au lieu de 1 point, une vaut 2 points au lieu de 1 point et une vaut 0 point. Mais vous pouvez quand même continuer à jouer dans la liste. C'est juste que cette réponse vaut 0 points. La personne qui a le moins de points à la fin des 3 listes est éliminée. Première liste. Je vous demande de me citer un ingrédient. Or, pâte. Oh non. Présent sur la carte de la pizza du Ristorante Adriatico au 6 route de Neuf-Brisach à Colmar. Sauf la tomate. Attends. Donc un ingrédient. Sauf les pâtes et les tomates. Non, un ingrédient hors pâte. Ouais, la pâte de la pizza. Garniture. Ah, okay. Ah ouais, pas garniture. Les pâtes à manger. Une garniture, merci. Présent sur les cartes des pizzas du restaurant Adriatico, situé au 6 route de Neuf-Brisach à Colmar, sauf la tomate. Charlie Coco Gaspard, premier qui me dit son prénom commence. Charlie. Crème. La crème, c'est une mauvaise réponse. Tu sors de cette. Il n'y a aucune base crème, tu vas me dire. Il n'y a aucune base crème. Coco Gaspard, le premier qui me dit son prénom, Coco. Olive. Olive, c'est une bonne réponse et c'est la réponse à 3 points. Oh. Ah, ça c'est de la chatte ça. Non mais, y'a aucune base crème. Tu veux que je regarde ? Ouais, franchement ouais. C'est impossible qu'une pizza aujourd'hui. Si, bah les vraies pizzas, y'a pas de base crème. Ouais mais c'est en Italie ton truc là. C'est à Colmar. Non, à Colmar. Il y en a une, oui, mais c'est un Italien qui est venu. Il y en a une avec de la choucroute dessus, tu vas me dire qu'il n'y a pas de crème. La crème ça va très mal avec la choucroute. Il n'y a pas de crème. 3 cibles. Honteux. C'est honteux que tu mettes de la crème dans tes pizzas surtout. Oui. Gaspard. De la mozzarella. Mozzarella, c'est une bonne réponse. Thibaut. Capre. Capre, c'est une mauvaise réponse. Cherche pas, ils ont 4 pizzas. C'est... Coco. Une 4 fromages, une jambon. Poivron. Poivron, c'est une bonne réponse. Gaspard. Parmigiano Reggiano. Parmigiano, Reggiano. Il reste sur le fromage, lui. Alors, il faut que tu précises ta réponse ou que tu changes de réponse. J'ai changé de réponse, j'ai mis du basilic. Bonne réponse. Coco. Oignon. C'est une bonne réponse, mais c'est la réponse à 0 points. Gaspard. C'est de bonne guerre. J'ai plus d'inspiration. Les anchois. C'est une bonne réponse, c'est la réponse à 2 points. Coco. Jambon. Jambon. Précise ta réponse ou change de réponse. Aïe, aïe, aïe. Origan. C'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Gaspard, t'es dernier dans la liste. Fais les deux, s'il te plaît. T'as le droit à 3 réponses, tant que tu réponds bien, tu marques 1 point. Artichaut. Oh, bonne, bonne réponse. Putain. Y'a pas de crème, bordel. Il y a des artistes, hein. Les funambules. De l'artichaut, y'a pas de crème. On l'a dit. Oignon. Oignon, ça a déjà été dit. Il y avait jambon blanc, jambon cru, je pense. Jambon blanc, jambon cru. J'ai eu un doute, j'aurais dû dire ça. Si aubergine, bœuf, champignon, gorgonzola, il y avait du grana padano pour le parmesan. Ah, mais c'est pas du mais parmesan. C'est voilà, du parmesan, c'est du... Je ne savais pas trop. Merguez, mortadelle, œufs, roquette, salami. Putain, œuf. Et ton. Non, mais il y a 4 pizzas. Il y en a une quinzaine, à peu près. Il n'y a pas de capre. Ça fait donc à la fin de la première liste. 9 points pour Gaspard, 8 points pour Coco, 4 points pour Charlie, 0 pour Thibaut. T'as dit capre en premier ? Oui. Il cherche, hein. Oui. Deuxième liste, je vous demande de me citer un département français. Ah, c'est bon. Sur lequel on trouve une superficie d'au moins 500 hectares dédiée à la vigne en 2023. 500 hectares de vigne en 2023, sauf la Gironde qui a 112 199 hectares. Moi, il m'en faut que 500. On garde le même ordre qu'avant. Charlie, tu commences. Le Jura. Le Jura, 2200 hectares, c'est une bonne réponse. Je Coco. Passe plateau. L'Hérault. L'Hérault, 83 124 hectares, c'est une bonne réponse. Les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, 18 999 hectares, c'est une bonne réponse. Thibaut. L'Aude. L'Aude, et il marque son premier point, 65 000 hectares, bravo. Quelle ambiance. Charlie. La Côte d'Or. La Côte d'Or, 10 000 hectares, c'est une bonne réponse. Coco. Le Rhône. Le Rhône, 15 000 hectares, c'est une bonne réponse. Gaspard. La Drôme. La Drôme à 17 000 hectares, c'est une bonne réponse. Thibaut. Le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, 20 000 hectares, c'est une bonne réponse. T'as dit Vitic. On dit le... Un département français sur lequel on trouve une superficie d'au moins 500 hectares dédiée à la vigne en 2023. À la vigne. Charles. Merde, comment ça s'appelle ? Champagne Ardenne. Non, merde, j'ai oublié le nom. Change. Je peux ? Change, c'est le département ? Non. 10 secondes. J'abandonne. Merde, comment ça s'appelle ? Ah ! Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, 13 000 hectares, c'est une bonne réponse. J'ai oublié le département de l'autre. C'est gentil avec lui quand même. Hein. Ouais, parce que à chaque fois, il se rattrape juste après, tu vois. Il n'est pas non plus en train de. Puis j'étais gentil avec Gaspard avant. Apparemment, sur le Parmigiano et Reggiano. Okay. Coucou. Je vais tenter la Savoie. La Savoie, 1900 hectares, c'est une bonne réponse. Gaspard. L'Ardèche. L'Ardèche, 10 000 hectares, c'est une bonne réponse. Thibaut. Le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, 6 000 hectares, c'est une bonne réponse. Ah, quand on parle de picole, là, ça va mieux, hein. Charlie. Le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, 9 000 hectares, c'est une bonne réponse. Coco. Var. Le Var, 30 000 hectares, c'est une bonne réponse. Gaspard. Le Vaucluse. Le Vaucluse, 50 000 hectares, mais c'est la réponse à 0 point. Ah oui, c'est rien, ça, j'ai oublié. Spéciale dédicace à Charlie, la Marne. La Marne pour Thibaut, 24 000 hectares et c'est la réponse à 2 points. Et Charlie ne comprend même pas ce qui se passe, mais c'est la réponse à 2 points. Charlie. L'Isère. J'y pense, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Coco. La Charente-Maritime. 52 000 hectares, c'est une bonne réponse. Gaspard. La Corse du Sud. La Corse du Sud, 976 hectares, c'est une bonne réponse. La limite étant 500. C'est juste. Thibaut. La Haute-Marne. Je peux changer ? Oui, tu peux, oui. L'Aube, pardon. L'Aube, 7000 hectares, c'est une bonne réponse. Coco. La Dordogne. La Dordogne, c'est une bonne réponse, 11000 hectares. Gaspard. Je commence à être à court, moi. Hautes-Alpes. Hautes-Alpes, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. C'est Thibaut. Je voulais pas dire ça, je voulais dire Alpes de Haute. Le Gard. Le Gard, 54 000 hectares, c'est une bonne réponse. Coco. Le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Il y en a qui tentent de faire du vin. Il y a du vin Auvergnat, mais je sais pas où il est. Ils le font où ? Le vin volcanique. Ils le font ailleurs ? Et peut-être pas assez, parce qu'il faut 500 hectares. Thibaut, t'es le dernier dans la liste, pardon, t'as droit à 3 réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques 1 point. Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, 12 000 hectares, c'est une bonne réponse. Lyon. Lyon, 8 000 hectares, c'est une bonne réponse. Et il te reste une réponse. Les Charentes. Charente, 50 000 hectares, c'est une excellente réponse. On peut applaudir Thibaut qui a mis 10 points sur la liste. Ce qui lui permet de passer devant Charlie qui a 8 points et de se rapprocher de Gaspard qui a 13 et de Coco qui a 14. Suspense totale pour la dernière liste. Dernière liste dans laquelle je vous demande de me citer... Ah pardon, je vais vous dire les autres réponses. Excusez-moi. Il y avait la Haute-Corse. Il y avait la Haute-Corse qui valait 3 points. Oh, putain, j'ai failli le dire. Vu que la Basque, enfin la Corse du Sud était... Limite, je pense que t'as pas osé dire la haute. Exactement, puis j'ai dit un truc de merde. Il y en a beaucoup plus du coup. Il y a l'Ain, 745 dans l'Ain. Ah, l'Ain. L'Allier, le vin auvergnat, a beaucoup fait dans l'Allier. Croze a rigolé pour la marne. Parce que c'est Champagne-Ardenne, ce que tu cherchais, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Moi j'ai bien fait de pas le dire. Il y avait également la Haute-Garonne qui avait 1300, on avait les Landes. En gros, il nous restait la Loire-Atlantique, on avait le Lot-et-Garonne ou encore le Tarn et la Vienne apparemment. Dernière liste, donc alors que Coco a 14, Gaspard a 13, Thibaut a 10 et Charlie a 8. Je vous demande de me citer un pays qui a pris son indépendance du Royaume-Uni. Sauf l'Irlande. Pays qui a pris son indépendance, un pays actuel, qui a pris son indépendance du Royaume-Uni, sauf l'Irlande. Charlie, tu commences. L'Australie. C'est une bonne réponse. Coco. L'Inde. L'Inde, c'est une bonne réponse. Gaspard. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est une bonne réponse. Malte. Et Malte pour Thibaut, c'est également une bonne réponse. The United States of America. Charlie, les États-Unis ? Yes, I. Bonne réponse. Coco. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une bonne réponse. Gaspard ? Moi, j'en ai déjà plus, moi. Le Canada. Le Canada, c'est une bonne réponse. Thibaut. Gibraltar. Gibraltar, c'est une mauvaise réponse. Ils sont encore anglais. Hein. Reste concentré, Thibaut, parce que. Pour l'instant, tu as un point d'avance sur Charlie. Et si vous finissez ex aequo, il y a un tie-break sur cette liste. On repart sur cette liste avec vous deux. D'accord. Donc, écoute bien les réponses que j'ai été dites parce qu'il ne faudra pas les redire. Charlie, pour revenir à égalité avec Thibaut. La Nouvelle-Zélande. Ça a déjà été dit, tu sors de cette liste. Coco. L'Égypte. L'Égypte, c'est une bonne réponse. Gaspard. Le Pakistan. Pakistan, c'est une bonne réponse. Coco. La Namibie. La Namibie, c'est une mauvaise réponse. Tu sors de cette liste. Gaspard, tu es le dernier dans la liste, tu as le droit à 3 réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Je vais dire le Kenya. Le Kenya, c'est une bonne réponse. Si tu marques, tu passes devant Coco, donc tu choisiras tes thèmes, ses thèmes avant lui. Faut pas que je me rate. Le Népal. Le Népal. Eh ben, tu t'es planté, mon pote. C'est une mauvaise réponse. On avait Antigua et Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Botswana, Chypre, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, on avait aussi Fidji, Tonga, Samoa... Jamaïque, Malaisie, Malawi, Maldives, Nigeria. Bien entendu, elle est plus compliquée. Saint-Christophe et Niévès qu'on embrasse. Saint-Vincent et les Grenadines avec du sirop. Et encore Sri Lanka, Zambie, Zimbabwe. Ça fait donc à la fin de la suite 17 points pour Coco, 17 points pour Gaspard, 11 points pour Thibaut et 10 points pour Charlie qui nous quitte déjà. Maintenant qu'il a le record des deuxième et des troisième places, il va chercher le record des quatrième places dans la deuxième émission. Voilà. Un petit mot. Non, mais j'aurais pu dire que j'avais perdu à cause de la pizza, mais même pas, c'est le vin. Ça m'a. Si, quoi, la base crème de merde, quoi. un point il me fallait. Un point, ouais. En même temps, c'est risqué. J'ai perdu tout mon avance. Ah, toutes les pizzerias le font maintenant. Eh, l'ananas ? Non, il n'y a pas d'ananas. Nous, pas de crème, on est de vrai italien. Bon, l'ananas, par contre. Gaspard, t'es agressif. On remet les comptes à zéro et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc, et dont le thème commence toutes par en, en, 5 questions chacun, un point par bonne réponse. Coco, Gaspard, quand vous êtes exéconnant, c'est celui qui a marqué le plus de points qui choisit. Oui, Charlie va décider parmi vous deux qui va choisir en premier dans le milieu, Coco. Sachant que la personne qui choisit en premier dans le milieu choisira en deuxième dans la presque fin. Coco. Coco choisit en premier dans le milieu. Coco, un petit merci peut-être, on n'est pas chez les Malpolis. Merci, mais comme je compte aller en finale, je préfère choisir en finale. Non, elle a presque fin. Après. Si tu vas aller en finale, elle commence à intégrer le nom des branches. Coco, un lieu, un moment ou un autre truc. Sachant que je te dis le thème et que tu as le droit de le prendre ou pas. Un lieu. Entre Qingwangdao et Yaoguan. Soit tu le prends, soit tu le laisses. Si tu le laisses, tu ne veux pas revenir dessus. Un autre truc. Très bien. Tu veux un autre truc ou tu veux le thème ouais, un autre truc. Je change et puis je laisse. Et tu prends un autre truc. Ouais, je prends un autre truc. On est en mer de Paris. Oh merde. Si tu le prends... Si tu le laisses, t'es obligé de prendre le moment et t'as plus le choix. Ah, j'ai encore le droit de choisir. Oui. Mais par contre, si tu le laisses, tu sais pas ce que c'est le moment et tu le prends. Ah, je prends le moment. Il prend le moment. En 2015. Ça va, c'est plus proche. Coco, quel journal satirique a été la cible d'un attentat terroriste le 7 janvier 2015 à Paris ? Charlie Hebdo. Bonne réponse. Coco, quel type de véhicule est le Solar Impulse, dont la deuxième version a commencé un tour du monde le 9 mars 2015 en partant d'Abu Dhabi ? Alors, c'était un avion. C'est un avion. Okay. Ça va très bien. C'est un avion, bonne réponse. Quel était le sujet de la COP21 qui a abouti aux accords de Paris le 12 décembre 2015 ? Le réchauffement climatique. C'est une bonne réponse. J'arrive à voir Thibaut sur le entre-zing, je sais plus quoi là. Le 1er janvier 2015, quel pays devient le 19e membre de la zone euro en délaissant son ancienne monnaie qui était le litas ? Oh putain. Les bananas. Le 1er janvier 2015. Le litas de Roujas. Le litas. Quel pays devient le 19e membre de la zone euro en délaissant son ancienne monnaie qui était le litas ? Slovaquie. Non. Lituanie. Lituanie. Litas, Lituanie. Ah, pas mal. Pas con, ouais, et enfin, putain. Quel artiste français né en 1848 à Paris et décédé en 1903 aux îles Marquises, en Polynésie française, a peint le tableau « Quand te maries-tu ?», œuvre achetée $300 millions par le Qatar le 7 février 2015. Un artiste français né en 1848 à Paris et décédé en 1903 aux îles Marquises. Si tu me donnes 10 points. En Polynésie française, a peint le tableau « Quand te maries-tu ?», œuvre achetée $300 millions par le Qatar le 7 février 2015. Ouais, alors ça, c'est pas du tout mon truc. Johnny Hallyday. Est-ce que c'est Gauguin, Gauguin, c'est Gauguin. Ça fait donc 3 points pour Coco. T'aurais fait 5. T'aurais fait les 5 là. Non, j'aurais pas eu le Solar Impulse. Je croyais que c'était un vélo. J'aurais dit vélo aussi. Gaspard, il te reste un lieu entre King Wangdao et Yao Guan. Ou alors un autre truc en étant maire de Paris. En étant maire de Paris. C'est sûr. Oh, je regrette tellement pas de part. Gaspard, quelle femme politique, prénommée Anne, membre du Parti Socialiste, est maire de Paris depuis 2014 ? Anne Hidalgo dit... Je sais jamais si c'est Anne Hidalgo ou Anne Hidalgo. Tu peux dire ce que tu veux, ouais, les deux sont comptés. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. On arrive à la question du 22 mai, Gaspard, parce que cet épisode sort le 22 mai. Ouais. Quel maire de Paris a démissionné de ses fonctions le 22 mai 1995, car il venait d'être élu président de la République ? Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est une bonne réponse. Gaspard, quel événement historique ayant secoué la ville de Paris en 1871 a eu pour conséquence que la ville ne serait plus sous la responsabilité d'un maire, mais directement de l'État, pour éviter toute nouvelle insurrection, et ce, jusqu'en 1977. La Commune. La Commune. Quel homme politique, membre du Parti Socialiste, a été maire de Paris entre 2001 et 2014 ? L'autre, un peu écolo, là. C'est pas José Bové, mais c'est un mec qui ressemble. Homme politique, membre du Parti Socialiste, qui a été maire de Paris entre 2001 et 2014. Pas la politique. Mais non, mais je le sais, mais c'est l'autre moustachu, là. Oh. Noël Mamère. Non. C'était Jean Lassalle. Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë. Mais... C'était Bébert. Et enfin, c'était qui... un moustachu aussi, non Noël. Non, pas du tout. Pas du tout moustachu. Qui élit le maire de Paris, Gaspard ? Les maires d'arrondissement ? Non. Ce ne sont pas les maires d'arrondissement. Est-ce que quelqu'un le sait ? C'est le Conseil de Paris. Qui est composé de membres... De maires de Paris. Il n'y a pas que les maires, il y a également des conseillers municipaux d'arrondissement qui élisent. Vous pouvez passer ma réponse. 163 élus répartis entre les arrondissements de Paris. Ça fait donc 3 points pour Gaspard comme Coco. Et Thibaut. Et Thibaut. 5 points. Entre King Wangdao et Yaoguan. Yaoguan. Quelle structure architecturale la plus importante jamais construite par l'être humain en termes de longueur, de surface et de masse se trouve entre les villes de King Wangdao et Yaoyuguan en Chine. Ah, facile. Une œuvre architecturale la plus importante jamais construite par l'être humain en termes de longueur, de surface et de masse qui se trouve entre ces deux villes de Chine. La Grande Muraille ? La Grande Muraille, c'est une bonne réponse. Ah, c'est une question sur la Grande Muraille, en fait. Ah, ça va être incroyable. La construction de la Grande Muraille de Chine a-t-elle commencé avant ou après Jésus-Christ ? Après. Elle a commencé avant, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et s'est terminée au 17e siècle après Jésus-Christ. Ah, ils ont mis 2 millions. Un commentaire sur les travaux. Tu penses que les travaux vont trop lentement, ouais, franchement. Qu'est-ce que tu penses des travaux de la Grande Muraille ? C'est pas ouf, franchement. C'est pas... Non, mais à l'époque, ils étaient pas 1,5 milliard, c'est pour ça. Oui, c'était 4. C'est dur, hein, c'était très dur. Respect, alors respect. Ça fait loin, quand même. À quel ensemble de biens culturels la Grande Muraille a-t-elle été classée en 1987 ? Au patrimoine de l'UNESCO. Patrimoine de l'UNESCO. Dans quel désert la Grande Muraille se termine-t-elle à l'ouest ? Facile. Dans quel désert la Grande Muraille se termine? Pardon. Désert de Gobi. Désert de Gobi, bonne réponse. Et enfin, quel ennemi juré de Superman a créé Nuclear Man, qui détruit une partie de la Grande Muraille dans le film Superman 4 sorti en 1987? Nuclear Man qui a été créé à partir de l'ADN de Superman. Quel ennemi juré? Lex Luthor. Lex Luthor, 4 sur 5. 4, ce qu'il a dit après, Mais 4 sur 5, on peut l'applaudir. Attention, bien. En fait, il était... Eh oui, en fait, il fallait y aller. Ça m'étonnait que tu ailles trouver des trucs entre... Ah oui, j'avais pas... Il fallait oser, il l'a fait. Enfin, il a pas eu le choix. 4 points pour Thibaut, 3 points pour Coco, 3 points pour Gaspard. On passe à la presque fin. Alors que Charlie a dû partir pour des raisons évidentes de cuire le barbecue pour ce soir, on a Romain qui va le remplacer. Bonjour Romain. Bonjour. Le remplaçant, il sort du banc, ça va? Oui, ça va. T'es prêt? Prêt? Oui. Oui. T'es juste là prêt, pour... non, mais frais. Non, oui. Mais frais, parce que là, t'es juste là pour foutre de la gueule des gens. Oh, alors, c'est t'inquiète. Parfait. C'est parfait. Et montrer ta culture. La presque fin, c'est 3 catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point, pas bonne réponse. Les thèmes, c'est Magnum, Magnum et Magnum. Gaspard, comme Coco a choisi en premier, alors vous étiez ex aequo dans le milieu, c'est toi qui choisis en premier entre Magnum 1, Magnum 2 et Magnum 3. Mais c'est presque nul comme choix en fait. Ah, bah il a avantagé Coco, Charlie, oui. Ah, ok, c'est pour ça que j'avais pas compris. Oui. On va prendre Magnum 2. Magnum 2. Quel type de confiserie est commercialisée par la marque Magnum? Des glaces. Bonne réponse. On peut l'applaudir, elle était dure. Sous quelle forme ces glaces sont-elles vendues? Je comprends pas ce que c'est. Ah, il a fait une forme, mais t'as des petites languettes en bois comme ça, et ça te fait des ovales. Oui. On peut dire ça, et t'as un chocolat craquant. Et... Des bâtonnets, quoi. Ouais, voilà. Des bâtonnets. Peu de réponse, bravo. Parce que c'est la deuxième, hein. À quel public Magnum s'adresse-t-il dès 1989, ce qui a révolutionné l'univers de la glace industrielle? À quel public Magnum s'adresse-t-il dès 1989, ce qui a révolutionné l'univers de la glace industrielle? Aux particuliers? Non. Aux femmes? Non, les autres. Aux enfants? Vous l'êtes tous autour de la table depuis... Aux hommes? 14 ans maintenant. Aux majeurs? Aux adultes. C'est les premières marques de glace pour adultes. Okay. Je dis aux enfants. Gaspard, quel est le Nutri-Score situé entre A et E du Magnum classique? D. Bonne réponse! Voilà, magnifique. Et enfin, Gaspard, à quel groupe néerlando-britannique la marque Magnum appartient-elle? Häagen-Dazs? Non. Quelqu'un l'avait. Non, c'est un gros groupe qui a vraiment beaucoup de marques. Unilever. Unilever, tout à fait. C'est con. Ça fait donc 3 points pour Gaspard. 6 points en tout. On passe ensuite à Coco, Magnum 1, Magnum 3. 1. Doit y avoir la série, et puis l'autre, tu passerais ça. Quelle est la capacité d'un Magnum qui correspond à 2 bouteilles de vin traditionnelles? En litres? Oui. 1 litre 5. C'est une bonne réponse. Non, pas en spectateur, oui, bravo. Coco, quel artiste connu notamment pour ses chansons Luxor J'adore ou encore 100% VIP a sorti l'album Magnum en 2014? Philippe Catherine. Bravo. Quelle est la nationalité du joueur de foot de football Magnum Rafael Farias Tavares, pardon, milieu de terrain qui a notamment été champion du Japon en 2010 avec le Nagoya Grampus? Nationalité du joueur de football Magnum Rafael Farias Tavares, milieu de terrain qui a notamment été champion du Japon en 2010. J'hésite entre portugais et espagnol. Je veux dire portugais. Eh ben il est brésilien. Mais en Brésil on parle portugais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Que sont les 44 Magnum et 357 Magnum? Que sont les 44 Magnum et les 357 Magnum? C'est une ref ça, non? Pour 10 points, je t'aide. Des armes? Non, ce ne sont pas des armes. Thibaut? Des calibres. Des munitions. Moi, j'aurais dit des armes aussi. Donc, Ah oui, mais la quatrième question, je n'acceptais pas. Okay. C'est des munitions d'armes à feu. Okay. Et enfin, quel acteur joue le rôle de Harry Callahan dans la saga L'Inspecteur Harry, dont le deuxième volet sorti en 1973 se nomme Magnum Force? Quel acteur joue le rôle de Harry Callahan dans la saga L'Inspecteur Harry, dont le deuxième volet sorti en 1973 se nomme Magnum Force? Pour 12 points, je t'aide. Chuck Norris, allez. Non. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ouais. Ça fait donc 2 points pour Coco, 5 points en tout. Thibaut. Gaspard, tu es en finale déjà, bravo Gaspard. Ouais. Bravo Gaspard. Le condor du Jura s'envole. Voilà. Thibaut, 2 sur 5, tu vas en finale contre Gaspard. Ok. En dessous, c'est Coco qui y va. Magnum 3. De quelle nationalité est la série Magnum qui s'étend sur 162 épisodes de 50 minutes ? États-Unis. États-Unis, c'est une bonne réponse. C'est pas une nationalité, t'aurais dû dire américaine. États-Unis, on devrait dire. Les taquins. Lors de quelle décennie la série a-t-elle été initialement diffusée ? Quelle décennie ? Oui. 70 ? C'est une mauvaise réponse. 80 ? 80. Entre 1980 et 1988. Thibaut, où la série se déroule-t-elle ? Hawaï ? Hawaï ! C'est une excellente réponse. Ça, c'est ça, toi ? Thibaut, quelle est la marque de la voiture utilisée par Magnum dans la série ? Une Ferrari ? Une fois, voilà, c'est bon, là, il est pas bien réponse. Et enfin, quel est le nom de l'acteur qui interprète le personnage de Thomas Sullivan Magnum ? Tom Selleck. Tom Selleck. Bon, pas de regret, Coco, hein. Qui a une moustache, contrairement à Bertrand Delanoë. on l'appelle le Noël ma mère d'Hawaï. Ça fait donc à la fin de la deuxième partie de cette émission. 8 points pour Thibaut, 6 points pour Gaspard, 5 points pour Coco qui nous quitte. Ouais. Coco, est-ce que t'as un dernier mot ? Non, bah, bravo à Thibaut pour sa remontée. On voit qu'il n'a pas pris de Doliprane, il a pris une mousse et c'est aussi efficace. C'est le bon choix, bravo. On remet les comptes à zéro et on passe à la fin. La fin, c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse, 1 point. Le premier à 3 points a gagné. Gaspard, comme tu es celui qui a marqué le plus de points entre toi et Thibaut dans cette des émissions 23 à 19, tu choisiras si ça se joue à la rapidité ou chacun son tour. Si ça se joue chacun son tour, sachez que vous avez le droit de récupérer une question à l'autre s'il répond mal, une fois. Dernière chose, il y a une question dont le numéro a été choisi par Charlie, le premier éliminé. Tu confirmes, Romain, qu'il remplace, qu'il a bien choisi ce numéro ? Absolument. C'est le numéro ? Je peux pas le dire. Ah, il est malin. Une question dont le numéro a été choisi par Charlie, premier éliminé, peut valoir double. Si vous tombez dessus, je vous dirai comment ça se passe. Gaspard, est-ce que cette finale se fera à la rapidité ou chacun son tour contre Thibaut ? Chacun son tour. Chacun son tour. Pourtant, j'aurais dû choisir la rapidité parce que t'es pas très lent à la détente. Oh, ça tourne, déjà bravo. Merci Gaspard. Gaspard, un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. 7. 7. Quel personnage de fiction français créé 4 ans avant James Bond et son matricule 007 a pour matricule OSS 117 ? Quel personnage de fiction français créé 4 ans avant James Bond et son matricule 007 ? Le nom du personnage de fiction. Oui, Uber, pour alias Hubert Bonisseur de la Batte. Hubert Bonisseur de la Batte, 1-0. Thibaut, un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. 8. 8. Quelle est l'origine du nom de la bière 8-6 ? Quelle est l'origine du nom de la bière 8-6 ? On ne dit rien s'il se trompe, parce que Gaspard peut récupérer. C'est quoi ? On cherche la nationalité de la bière ? Non, l'origine du nom. Pourquoi ça s'appelle 8-6 ? Son taux d'alcool. Son taux d'alcool. Bravo. 8,6. Un partout. Gaspard, un chiffre entre 0 et 9. 4. 4. Quelle série américaine diffusée entre 1959 et 1964 a pour titre original The Twilight Zone ? Quelle série américaine diffusée entre 1959 et 1964 a pour titre original The Twilight Zone ? Je sais même pas ce que ça veut dire Twilight, donc... Les Feux de l'Amour. Non. Thibaut, est-ce que tu veux récupérer cette question ? Non. Tu ne peux le faire qu'une fois, non. Non. Toilette, ça veut dire crépuscule, mais ça n'a pas vraiment de rapport. Ça avait plus un rapport avec le numéro de ta question, qui était le 4. Le 4 fantastique. La quatrième dimension. Ah, ok. Putain. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Thibaut, un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. 9. 9. Quel artiste a peint les 9 scènes de la Genèse se trouvant au plafond de la chapelle Sixtine ? Michel-Ange. Michel-Ange, 2-1. Bravo. Oh là là. Est-ce que t'as déjà gagné des émissions, Thibaut ? Non. Oh là là là là. Ou la pression. Zéro. Zéro. Quelle ville du Royaume-Uni a donné son nom à la ligne imaginaire dont la longitude est égale à zéro ? Attends. Quelle ville du Royaume-Uni a donné son nom à la ligne imaginaire dont la longitude est égale à zéro ? Bah c'est Greenwich. C'était Greenwich, tout à fait. Bien joué. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. Greenwich. 2-2, mais Thibaut a la balle de match. Ouais. Thibaut a la balle de match. 1, 2, 3, 5, 6. 1. 1. Qui a été le premier président des États-Unis entre 1789 et 1797 ? Qui a été le premier président des États-Unis entre 1789 et 1797 ? Ah, c'est très tendu sur le plateau, là. Thomas Jefferson ? C'est une mauvaise réponse. Gaspard, est-ce que tu veux récupérer ? Tu ne peux le faire qu'une fois. Ça fait quoi si je me trompe ? Bah, ce sera à toi après quoi qu'il arrive, mais juste là t'as une opportunité. Si ah oui, moi bah, je récupère. Oui. Le gars était trop sûr et d'un coup je récupère et là il se recule pour réfléchir. Là, il se pose. Washington. Washington, George Washington et Gaspard. Aïe aïe aïe. Ah non. Il lui a chippé la victoire. Aïe aïe aïe aïe. Gaspard, tu remportes donc le guide de la Bretagne Sud si jamais tu comptes aller en Si, en plus j'y vais souvent du côté de Quiberon. Ah bah oui, bah voilà la presqu'île. Pêcher les perlans. Ah non. Thibaut, merde! Ouais, sur une question comme ça. Un commentaire? Quoi, tu plus? Savais que c'est Washington en entendant la réponse ou vraiment t'aurais oui, jamais oui, trouvé? Oui, oui, oui, mais c'est juste ce nom ne me revenait pas. Eh bah, ben, content quand même d'avoir réussi à tenir aussi longtemps dans cette désémission. Bah oui, parce que c'était mal parti. Ah, puis une remontée pareille, c'est beau quand même. Ah, bravo, on peut l'applaudir. Ouais, bravo. Tu vas l'avoir ta victoire un jour. Tu vas l'avoir. Gaspard, bravo! Magnifique. Ouais, merci. Un petit commentaire sur ta victoire? Bah merci à Thibaut avant tout hein, pour, honnêtement je pensais pas que t'allais te tromper là-dessus même si j'ai eu un petit doute au moment de répondre mais ça me semblait assez évident et sinon bah voilà hein, bon courage pour la suite j'ai envie de te dire merci bonne continuation merci bah personnellement j'ai toujours pensé que t'étais un enculé quand même donc ça me fait un peu plaisir que voilà mais Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de la Désémission. On vous rappelle que nous sommes sur Tipeee si vous voulez nous faire un don pour choisir le thème d'une Désémission, d'une manche de Désémission, ou même d'une question tout simplement, voilà. Vous pouvez nous trouver sur PodCloud, Spotify, Podcast Addict, Podcast République, Apple Podcast, Instagram, Twitter et plein d'autres plateformes, comme les plateformes pétrolières. Wow, ah ouais d'accord, ok, il y a qu'un. Déjà il y en a qu'un et en plus il a fait vraiment sans envie. Comme les plateformes pétrolières. On se retrouve dans deux semaines pour la Désémission numéro 236. En attendant, gardez la pêche. Mais n'avalez pas le maillot.